sourire, d'écouter ta voix. Personne ne peut m'enlever tout ça. Non, jamais, jamais, non, non. Baby boy, j'ai besoin de ça. Tu es la lumière qui guide mes pas. Ma vie est si triste quand tu n'es pas là. Oh, oh. Toi mon fils, mon amour, tu es celui que j'aime. Le plus beau des cadeaux et le plus beau des poèmes. Toute une éternité, je voudrais te garder près de moi. Je veux vraiment tout faire pour effacer tes peines. Quand tu pleures ou tu souffres, moi c'est mon cœur qui saigne. Ta tristesse l'effacer, pouvoir tout oublier pour une fois. Baby boy, j'ai tant besoin de toi. De voir ton sourire, d'écouter ta voix. Personne ne peut m'enlever tout ça. Non, jamais, jamais, non, non. Baby boy, j'ai tant besoin de ça. Tu es la lumière qui guide mes pas. Ma vie est si triste quand tu n'es pas là. Oh, oh. Marchant l'un près de l'autre, tu prends ta main dans la mienne. Je te éveille souvent où tes petits doigts m'entraînent. Dans tes jardins secrets, j'ai envie de m'évader avec toi. Tes jouets éparpillés dans ton petit domaine. Dans ton monde, tes héros, tes peluches, tout ce qui traîne sont là pour t'amuser. Dans la maison, tes rires résonnent tout autour de moi. Baby boy, j'ai besoin de toi. De voir ton sourire, d'écouter ta voix. Personne ne peut m'enlever tout ça. Non, jamais, jamais, non, non. Baby boy, j'ai besoin de ça. Tu es la lumière qui guide mes pas. Ma vie est si triste quand tu n'es pas là. Oh, oh. Papa, je t'aime. Oui. Je vais te parler. Oui, c'est Raphaël. Je t'appelle parce que j'ai envie de te parler. Rappelle-moi après. Bisous, ciao, je t'aime. Baby boy, j'ai tant besoin de toi. De voir ton sourire, d'écouter ta voix. Personne ne peut m'enlever tout ça. Non, jamais, jamais.